Pourquoi tu pleures, Miranda? Pourquoi tu pleures, Miranda? Miranda, tu penses à ton sort. Miranda, le monde est cruel. Miranda, vaut tous les trésors. Accroche-toi à la vie, Miranda. Accroche-toi à la vie, Miranda. Miranda vit dans ma chanson. Miranda, c'est nous et c'est elle. Miranda, on a tous l'air con. Miranda, pourtant la vie est belle. Miranda, est-ce que la vie est belle? Miranda, Miranda, quelque part, quelque part.